Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, Catherine Deneuve et Fabrice Luchini à mourir de rire. En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est l'épouse popote et soumise d'un riche industriel, Robert Pujol. Il dirige son usine de parapluies d'une main de fer et s'avère aussi désagréable et despote avec ses ouvriers qu'avec ses enfants et sa femme qu'il prend pour une potiche. Coucou! Ça s'est bien passé hier soir avec ton acheteur allemand? Oh, fous-moi la paix, Suzanne. Si tu veux mon avis. Ton avis? Quel avis? Tu as un avis? Mais Robert... Ce que je te demande, c'est de partager le mien. Sinon, tout le reste est des paroles et de l'énergie perdue. Allez, tais-toi un peu. Mais pour le moment, tu ne comprends rien. Mais il faut penser à l'avenir et se moderniser. Cite-moi des femmes aussi gâtées que toi après 30 ans de mariage. À ça, pour ce qui est de l'électroménager, je suis une petite reine. Tu vois, tu es comblée. T'es obligée de l'admettre. Madame, c'est horrible. Une grève? Oui. Par défaut de négociations rapidement entamées, il y aura un durcissement de la grève. Je pense que monsieur et votre père devraient se faire remplacer. Et pourquoi pas vous, madame Pujol? Maman, mais c'est une blague. Je représente un patronat souriant, juste, chaleureux. Une bourgeoise nymphomane. Excusez-le, il est un peu rude, les communistes. C'est typique. La salope. Qui c'est le patron ici, nom de Dieu? Moi. J'ai pas dit mon dernier mot. Potiche avec Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Gérard Depardieu et Karine Viard, un DVD France Télévisions Distribution.